بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc hier, la dernière partie de qu'est-ce qu'on était en train d'expliquer, le cheikh il disait à propos de As-Sulh al-Hudaybiyah et comment Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lorsqu'il y a eu cette entente de al-Hudaybiyah, Omar ibn al-Khattab il a été troublé par cette situation-là. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une entente de paix avec les mouchriquins, hein, al-Hudaybiyah. Et dans cette entente de paix, il y avait des clauses qui étaient yani, défavorables aux musulmans et favorables aux mouchriquins. Malgré tout, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a acceptées parce qu'il a vu que au long terme, il y a un bienfait pour les musulmans et pour l'islam dans cette entente-là. Et effectivement, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé cette entente de Al-Hudaybiyah « Fathan Mubina ». Il a appelé une victoire yani, évidente et éclatante. Et quand Omar, au début, il a entendu cette entente-là, lui, il voulait combattre. Il a dit « Non, pourquoi on accepte cette entente? On ne veut pas retourner ». On veut aller faire la Umrah cette année, on veut combattre les mouchriquins, et yani, pourquoi on accepte cette entente-là? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je suis le messager d'Allah, et Allah il va me donner la victoire, et je ne lui désobéis pas. Alors, quand Omar ibn Khattab a vu ça, il est allé voir Abu Bakr, et il lui a posé les mêmes questions. Est-ce qu'on n'est pas sur la vérité? Est-ce qu'eux ne sont pas sur le faux? Il a dit oui. Est-ce que si on meurt, on va au paradis? Si eux, ils meurent, ils vont en enfer? Il a dit oui. Il a dit, alors pourquoi dans ce cas-là, on accepte hein, ces conditions-là? Et Abu Bakr lui a répondu la même chose que le messager d'Allah. Il est le messager d'Allah. Allah va lui donner la victoire et il ne le désobéit pas. Alors que Abu Bakr n'a même pas entendu la réponse du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et pourtant Abu Bakr a répondu la même réponse que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors par la suite il a compris qu'il s'est trompé et il dit Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il a dit fa'amiltu lidhalika a'mala, c'est-à-dire que par la suite il a fait des choses pour essayer de compenser et effacer cette erreur-là qu'il a fait ce jour-là dans son jugement, hein, d'avoir hésité hein, par rapport à l'acceptation de cette position du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas avoir été convaincu depuis le début. Et tandis que Abu Bakr radiallahu anhu, lui, il n'a même pas hésité du tout. Depuis qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prendre cette décision, il l'a accepté, il s'est soumis parce qu'il est as-siddiq. Il est celui qui hein, est le véridique et qui accepte la vérité tout le temps, peu importe. C'est pour ça qu'il a appelé, il a été appelé Siddiq, radiyallahu anhu. Donc, le cheikh, il dit, وَكَذَلِكَ لَمَّا مَاتَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرْ يعني أَنْكَرَ عُمَرْ مَوْتَهُ أَوَّلًا فَلَمَّا قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّهُ مَاتْ رَجَعَ عُمَرْ عَنْ ذَلِكَ. Donc, pourquoi le cheikh Ibn Taymiyyah, il mentionne ces exemples-là? C'est parce qu'il veut montrer que Omar ibn Khattab, il fait partie des awliya d'Allah. Il fait partie des serviteurs rapprochés d'Allah, les awliya d'Allah. Et il est même, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, un muhaddath, c'est-à-dire quelqu'un qui est inspiré par Allah. À plusieurs reprises, il a eu une opinion et Allah a confirmé que son opinion était le bon par des révélations dans le Coran. Il a mentionné, on a mentionné au dernier cours hier, les trois exemples de ça, à propos du hijab, à propos des prisonniers de Badr et à propos de Maqam Ibrahim, on les a mentionnés. Et malgré ça, parfois il s'est trompé également. Et il a eu des jugements dans lesquels il a admis lui-même ne pas avoir eu raison. Et une des exemples de ça, c'est qu'est-ce qu'on a mentionné à propos de Al-Hudaybiyah. Ça, c'est un exemple. Et là, on voit un autre exemple ici. C'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Omar ibn al-Khattab, quand il a entendu ça, il a nié. Il a rejeté, il a refusé d'accepter ça. Il a dit non, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort. Et même, il voulait même frapper n'importe qui osait dire ou qui voulait dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Puis par la suite, Abu Bakr est venu le voir, puis il lui a dit non, il est décédé pour de vrai, il est mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, à partir de ce moment, il est revenu. Hein? Il est revenu, il a accepté. Donc, c'est pour dire que Abu Bakr, radiallahu anhu, c'est quelqu'un qui a une fermeté dans la religion et qui est au-dessus de Abu Bakr. Qui est au-dessus de Omar ibn al-Khattab sur ce plan-là. Hein? Et on le voit dans ces situations-là, comment Abu Bakr est resté ferme dans ces différentes situations, dans Al-Hudaybiyah, à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour dire que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il fait partie des awliya d'Allah, mais malgré ça, il peut se tromper. Il n'y a personne qui est infaillible. Donc on dit, si Omar ibn al-Khattab, il peut se tromper alors qu'il est un des meilleurs parmi les awliya d'Allah et qu'il est inspiré par Allah comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, eh bien n'importe quel autre parmi les shuyukh qui sont venus après Omar ibn al-Khattab, peu importe son niveau de science, peu importe son niveau de piété, il ne peut pas être meilleur que Omar ibn al-Khattab. Et si Omar ibn al-Khattab peut s'être trompé, eh bien ces shuyukh-là, ils peuvent se tromper aussi. Donc ceux parmi les musulmans qui pensent que parce qu'un cheikh, il est pieux, il est saint, ou bien il a beaucoup de connaissances, ou bien il est très très religieux, qu'il est à un degré ou à un niveau dans lequel il devient infaillible et qu'il ne peut pas se tromper et que tu dois accepter tout ce qu'il dit sans refuser ou remettre en question quoi que ce soit de ce qu'il dit ou de ce qu'il fait, alors tu as dépassé la limite. C'est-à-dire tu as élevé cette personne à un niveau au-dessus même des sahaba, et peut-être même au-dessus du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu mets ton cheikh au-dessus du messager d'Allah, ça c'est du kufr. Hein? Et si tu le mets au-dessus des sahaba, ça c'est de l'égarement. Donc c'est pour dire, les gens qui ont cette notion-là, parmi les soufis par exemple, eh bien c'est clair que leur position elle est incorrecte, et qu'ils ont dépassé la limite de la justice dans cette attitude-là. Maintenant, le cheikh, il va commenter, Cheikh Al-Fawzan, à propos de cet événement-là. Et il dit, par rapport à ça, il y a même un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari. Il dit, وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجُ النَّبِي صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَأَبُو بَكْرٍ فِي السُّنْحِ قال إسماعيل يعني بالعالية يعني بالعالية فقام عمر فيقول والله ما مات ها والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك وليبعثنه الله وليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. Donc il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, La femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle raconte cette histoire. Aïcha radiallahu anha, elle dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et le Abu Bakr radiallahu anhu était dans un endroit qu'on appelle Al-Aliya. Alors Omar ibn al-Khattab, il a dit, par Allah, le messager d'Allah n'est pas mort sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et il a dit, je ne pouvais pas accepter autre chose dans mon cœur. Allah va le faire ressusciter. Hein? Et il a dit, je vais couper les mains et les jambes de toute personne qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort. Faja'a Abu Bakr, fakashafa an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, faqabbalahu. Qal, fa abi anta wa ummi, tibta hayyan wa mayyitan. Walladhi nafsi biyadihi, لا يذيقه الله أو لا يذيقك الله الموتتين أبدا ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتْ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتْ. Hein? Ça, c'est fort. Alors, Abu Bakr est rentré. Hein? Il est revenu. Et quand il est arrivé, il est rentré dans la maison du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a embrassé sa tête. Hein? Il a embrassé le messager d'Allah. Il a découvert, hein, son visage. Il l'a embrassé. Et il a dit, hein, bi abi anta wa ummi. C'est-à-dire, je donnerai ma mère et mon père pour toi, au messager d'Allah. Il a dit, tu as été bon, vivant comme mort. Et il a dit, par celui qui tient mon âme en sa main, Allah ne va pas te faire goûter les deux morts. Hein? Puis il est sorti. Il a dit, ô toi qui es en train de jurer, ala rislik, c'est-à-dire, prends ça, vas-y doucement. Hein? Il parle à Omar, ibn al-Khattab. Il dit, ô toi qui es en train de faire des serments et de jurer, hein, qu'il n'est pas mort. Ala rislik, doucement. Hein? En voulant dire, descends de cheval, hein, calme-toi. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, hein, Abu Bakr, il a parlé. Omar, il s'est assis. Et il a glorifié Allah. Et il a fait les éloges d'Allah. Et puis après, il a parlé. Il a dit, celui qui adorait Mohammed, hein, celui qui adorait Mohammed, sachez que Mohammed est mort. Mais celui qui adorait Allah, alors qu'il sache que Allah est vivant, il ne meurt pas. C'est pour dire que même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, l'islam reste. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui notre Seigneur. C'est lui qu'on adore, c'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a dit, celui qui adorait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il sache qu'il est décédé, qu'il est mort. Mais celui qui adorait Allah, alors Allah, il est toujours vivant, il ne meurt pas. Il est vivant, il ne meurt pas. Et Cheikh Al-Fawzan, il parle de ça, il dit والموقف الثاني هذا الموقف الثاني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه بالسمح يعني ناحية من المدينة فيها نخل له فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم هاج الناس واضطربوا وفيهم عمر يتوعدهم يقول الرسول ما مات وإنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى ابن عمران عليه السلام وسيأتي ويقتل أناسا يقطع أيديهم وأرجلهم ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجي أو مسجى يعني فكشف الغطاء مسجى نعم فهو مسجى أو مسجى فكشف الغطاء عن وجهه وعلم أنه قد مات قبله وبكى ثم خرج إلى الناس وعمر رضي الله عنه يهددهم ويخطب قال على رسلك يا عمر فنزل عمر من المنبر فصعد أبو بكر رضي الله عنهما فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فعند ذلك علم عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات فأسقط بين يديه وجث على الأرض لا يستطيع القيام لما تحقق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات وهذا موقف أبي بكر رضي الله عنه وهو موقف الإيمان الذي لا يتزعزع فعمر رضي الله عنه في هذا حصل منه تردد وأبو بكر رضي الله عنه ما حصل منه أي تردد بل ثبات الجبال على مصيبة ما نزل بالعالم مثلها يعني ما نزل بالعالم مثلها هذه قوة الإيمان وشجاعة أبي بكر رضي الله عنه وهذا مما يدل على أن أبا بكر radiallahu anhu, afdal al-umma. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique? Il dit, donc c'est la deuxième situation ou la deuxième position dans les exemples qu'on voit par rapport à aux positions de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu et de Abu Bakr. On voit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, Abu Bakr était dans une région de Médine où il avait des palmiers là-bas, ou des dattiers si on veut. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé et les gens étaient troublés, beaucoup de confusion. Et Omar commence à les menacer et à leur dire, le messager il n'est pas mort, il est juste allé retourner vers son seigneur, hein, comme Moussa, et il va revenir, il va tuer des gens et des choses comme ça, il va couper leurs mains et leurs pieds ou des choses comme ça. Alors Abu Bakr est arrivé, il est rentré dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était couvert, hein, avec un linceul ou avec un drap. Il a découvert son visage et il a su qu'il était décédé. Il a embrassé, il a pleuré, puis il est sorti vers les gens et il a entendu Omar radiallahu anhu qui est en train de les menacer, en train de leur faire un discours. Et qu'est-ce qu'il a fait? Abu Bakr, il est allé, il a dit, Ya Omar, calme-toi. Et il est descendu du minbar et Abu Bakr est monté radiyallahu anhuma. Il a dit, oh vous les hommes, celui qui adorait Muhammad, alors Muhammad est mort sallallahu alayhi wa sallam, mais celui qui adorait Allah, sachez que Allah est vivant, il ne meurt pas. Puis il a récité le verset 144 dans surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, Muhammad n'était qu'un messager, il y a eu d'autres messagers avant lui. Est-ce que si il meurt ou il est tué, vous allez retourner sur vos talons, hein? Alors à ce moment-là, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a su que le messager sallallahu alayhi wa sallam est mort. Il est tombé à genoux, hein? Il est tombé à genoux devant lui. Il est tombé à genoux par terre, il n'était plus capable de se relever. Quand il a compris, il a réalisé que le messager sallallahu alayhi wa sallam était mort. Il dit, ça c'est une position de Abu Bakr, hein, qui démontre la force de sa foi, qui n'a pas été ébranlée. Tandis que Omar radiallahu anhu, hein, dans cette situation-là, il a hésité, il a été troublé. Hein. Tandis que Abu Bakr, non. Abu Bakr est resté ferme comme les montagnes devant cette épreuve et devant ce malheur. Hein, il dit un malheur que le monde n'a jamais connu, un malheur semblable. Et donc, c'est la force de la foi, le courage de Abu Bakr radiallahu anhu dans cette situation difficile qui indique que Abu Bakr radiallahu anhu est le meilleur de cette umma. Hein? Il dit, فلما قال أبو بكر إنه مات رجع عمر عن ذلك. يعني فعمر radiallahu anhu, يعني ولي من سادات الأولياء ومع هذا أخطأ في هذا فدل على أن الولي يخطئ وليس معصوما. Dit la preuve, et c'est ça que Ibn Taymiyyah essaie d'établir ici, c'est que Omar radiallahu anhu, c'est un wali parmi les awliya d'Allah, un des plus élevés parmi les serviteurs d'Allah dans la foi, et malgré ça il a fait une erreur encore une fois ici. Et ça, c'est la preuve que le wali, il peut se tromper, il n'est pas infaillible. Hein? Après, il dit, وَكَذَلِكَ فِي قِتَالِ مَانِعِ الزَّكَاءِ قَالَ عُمَرْ لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَيْفَ نُقَاتِلُ النَّاسِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال له أبو بكر رضي الله عنه ألم يقل إلا بحقها فإن الزكاة من حقها ووالله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. Regardez une autre situation. Dans la situation après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ceux qui refusaient de payer la zakat. Abu Bakr radiallahu anhu, hein, il a dit il faut les combattre. Ils refusent de payer la zakat, il faut les combattre. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu lui dit, Ya Abu Bakr, comment tu veux combattre des gens que, yani, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils témoignent que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Et s'ils ont fait cela, ils sont préservés contre moi dans leur vie, dans leur sein et dans leur bien, excepté pour un de ces droits. Et Abu Bakr radiallahu anhu, il a répondu, il a dit, n'est-ce pas que la zakat, ça fait partie de ses droits? Hein? En voulant dire, la zakat, ça fait partie des droits de la ilaha illallah. Donc, il dit, je jure par Allah que s'il refuse de me donner une corde, hein, une ina, il y en a quelque chose qu'il donnait au messager d'Allah pour retenir les chameaux avec. Il le donnait au messager d'Allah et maintenant ils ne veulent plus le donner. Il dit, je vais les combattre parce qu'ils ont refusé de le donner. Et Omar ibn al-Khattab, qu'est-ce qu'il a dit par la suite? Il a dit, par Allah, j'ai compris, quand j'ai vu que Abu Bakr était déterminé à les combattre, j'ai su que c'est parce que Allah a ouvert son cœur à cette position-là et à ce moment-là, j'ai su que c'était la vérité. Hein? Donc, ça c'est la troisième exemple que le cheikh il a mentionné pour montrer une position dans laquelle Omar ibn al-Khattab s'est trompé par rapport à Abu Bakr radiyallahu anhuma. Donc le cheikh il explique, cheikh al-Fawzan, à propos de cette situation, et ce hadith qu'on a lu c'est rapporté par al-Bukhari et Muslim, donc c'est un hadith authentique. Law mana'uni 'iqalan, yani dans d'autres narrations law mana'uni 'inaqan, c'est la même chose. Le cheikh il dit al-mawqif al-thalith ar-riddah. لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وارتد كثير من العرب ومنعوا الزكاة صمم رضي الله عنه على قتالهم فقال له عمر والصحابة كيف نقاتلهم أو كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله وما انتبه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بحقها فقال أبو بكر رضي الله عنه لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها والرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها وإن الزكاة من حقوق لا إله إلا الله والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فلما رأوا تصميم أبي بكر عرفوا أنه على الحق فوافقوه وقاتلوا المرتدين وكانت النتيجة أن الله خذل المرتدين وثبت الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه مواقف أبي بكر رضي الله عنه التي لم يقفها غيره وهي مواقف في الشدة أشد ما يكون من الكرب ومع هذا وقف وثبت ثبات الجبال رضي الله عنه حينما تضعضع غيره ولهذا قالوا إنما أحد يخطي ويستدل بدليل من القرآن والسنة إلا وفي ذلك الدليل ما يرد عليه فأبو بكر رد عليهم بكلمة ومن هذا الدليل الذي معهم وهو قوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها. Donc le cheikh il dit, la troisième position ou la troisième événement, situation où on a vu que Abu Bakr radiallahu anhu a eu raison sur Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et c'est la situation ou l'événement qu'on appelle al-Ridda, l'apostasie. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un groupe d'entre les Arabes a refusé de payer la zakat. Alors Abu Bakr radiallahu anhu était déterminé à les combattre, et Omar ibn al-Khattab ainsi que d'autres sahaba, eux, ils disaient non, on ne peut pas les combattre, ce sont des musulmans. Ils ont dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et donc on n'a pas le droit de les combattre. Alors Abu Bakr radiallahu anhu leur a montré qu'ils ont mal compris le hadith et qu'il fallait les combattre même s'ils disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hein? Et c'est quoi la preuve qu'il a mentionné, Omar ibn al-Khattab, pour dire que ce n'était pas permis? Il a mentionné le hadith, j'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Et lorsqu'ils l'ont dit, ils seront protégés de moi dans leurs biens et leurs personnes, excepté pour un de ses droits. Et son jugement sera à Allah. Hein? Alors le cheikh dit, ils n'ont pas fait attention à la petite partie du hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « illa bihaqqiha », c'est-à-dire « excepté pour un de ses droits ». Un des droits de la ilaha illallah. Alors Abu Bakr radiallahu anhu, il a dit « par Allah, je vais combattre quiconque fait une distinction entre l'obligation de la salat et l'obligation de la zakat ». Comment ça, ils font la salat mais ils refusent de donner la zakat, hein? Alors il leur a dit, n'est-ce pas que la zakat fait partie de ses droits? N'est-ce pas que la zakat fait partie des droits de la ilaha illallah? Alors quiconque fait la distinction entre la salat et la zakat, je vais le combattre par Allah. Alors à partir de ce moment-là, ils ont su, hein, que Abu Bakr radiallahu anhu était déterminé. Et ils ont compris que cette position, c'était ça la vérité. Alors ils ont été d'accord par la suite avec Abu Bakr. Et ils ont combattu les apostats. Et à cause de ça, yani justement, c'est ça qui a fait en sorte que l'islam reste ferme, reste fort, et que les gens restent dans l'islam, et les apostats ont été écrasés par la suite. Donc ça, c'est une des positions, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a montré, ou qui a fait paraître encore plus, la fermeté de Abu Bakr radiallahu anhu. Dans des situations très dures et très difficiles, auquel Abu Bakr radiallahu anhu avait, hein, à faire face après, justement, dans cette situation-là. Donc ça, c'est une autre de ces exemples-là. Et c'est pour ça, quand ils ont dit, hein, comment on peut avoir tort alors qu'on se base sur le Coran et la Sunna? On n'a pas le droit de combattre les musulmans. Et Abu Bakr radiallahu anhu les a réfutés par une parole qui est dans le même dalil que ce qu'ils ont ramené comme dalil. Illa bihaqqiha. Hein? Donc ça, c'est la preuve de la compréhension très subtile et très profonde de Abu Bakr radiallahu anhu à propos de la religion d'Allah. Hein? Sur des points que yani, d'autres ont manqué, alors que yani, ils sont malgré tout parmi les savants, parmi les sahaba, mais Abu Bakr radiallahu anhu les a dépassés dans cette compréhension-là. Et ça, c'est un exemple pour dire, encore une fois, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu est un wali parmi les awliya d'Allah. Et malgré ça, il s'est trompé encore une fois. Il s'est trompé lors de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il s'est trompé également après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y avait cette fitna avec les apostats et qui refusaient de payer la zakat. Et yani, il ne voulait pas les combattre et il s'est trompé sur cette position-là. Et finalement, hein, il a admis que c'est Abu Bakr radiallahu anhu qui avait raison encore une fois. La preuve que le wali d'Allah, il peut se tromper. Il n'est pas infaillible. Hein? Il dit, wali hada nadair. Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Il y a un exemple aussi où un compagnon même, je pense que c'était justement Abu Bakr radiallahu anhu, où il a fait un rêve, je ne sais pas si c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a fait un rêve, ou bien si c'est un autre parmi les compagnons qui a fait un rêve, et il a mentionné qu'il a vu dans le rêve qu'il y avait, je pense, du lait et du miel, ou des choses comme ça. Puis il a expliqué le rêve. Puis après, je ne sais pas si je me rappelle plus bien comme il faut, mais je sais que c'est dans le Bukhari, il a demandé donc au messager d'Allah, laisse-moi expliquer ce rêve. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, ok, vas-y, explique-le. Alors, il a donné son explication ou son interprétation de ce rêve. Et après avoir terminé, il a dit, « Ô messager d'Allah, est-ce que j'ai eu raison? Est-ce que j'ai bien expliqué le rêve ?» Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, « Dans certaines choses que tu as dit, tu as eu raison, et dans d'autres, tu t'es trompé. » Donc, c'est pour dire que, yani, c'est un ijtihad. Il a fait son effort pour essayer d'interpréter le rêve de la meilleure façon qu'il pouvait. Mais il s'est trompé dans certaines choses et il a raison dans d'autres. C'est la preuve que un grand wali d'Allah peut faire des erreurs dans sa compréhension ou dans son interprétation des choses. Et que donc ça c'est la preuve qu'il n'y a personne parmi les musulmans, même si c'est un grand imam ou un grand cheikh ou un grand alim, que tu vas dire tout ce qu'il dit, on est obligé de tout l'accepter sans exception et qu'on va rien rejeter de ce qu'il dit. Non, la référence pour nous c'est le Coran et la Sunna avant tout. Et donc, si qu'est-ce que ce cheikh ou cet imam dit vient en contradiction avec qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, on le rejette, peu importe. Et si qu'est-ce qu'il dit est en accord avec le Coran et la Sunna, on l'accepte. Non, il y a des situations où c'est arrivé comme ça. Ouais, il y en a certains, ils pensent qu'ils sont plus hauts que les prophètes. Ils pensent que Allah leur parle ou que les anges leur parlent. Hein? Et ça veut dire qu'ils se prétendent prophètes. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas de prophète après moi. Donc si quelqu'un, après le messager d'Allah, il s'imagine qu'il reçoit des révélations divines, alors il est kafir. Parce qu'il n'y a pas de prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran, il est fini. La révélation du Coran, elle est complétée. Il n'y a plus de Coran qui va être révélé après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Ensuite, Ibn Taymiyyah, il dit, wali hadha nadha'ir tubayyinu taqaddumu Abi Bakr ala Umar ma'a anna Umar radiyallahu anhu muhaddath fa inna martabata as-siddiq fawqa martabata al-muhaddath li'anna as-siddiq yatalaqqa 'an ar-rasul al-ma'sum sallallahu alayhi wa sallam كل ما يقوله ويفعله والمحدث يأخذ عن قلبه أشياء وقلبه ليس بمعصوم فيحتاج أن يعرض على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. Écoutez cette explication de Ibn Taymiyyah, comment il explique. Subhanallah, il dit, il y a beaucoup d'autres exemples de ce genre parmi les exemples qu'on a mentionnés. Et il dit, donc on voit par qu'est-ce qu'on a montré, seulement trois exemples, on voit que Abu Bakr était devant Omar dans plusieurs situations radiyallahu anhuma, malgré que Omar était muhaddath, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de Omar qu'il était muhaddath, c'est-à-dire qu'il est inspiré par Allah, et malgré ça Abu Bakr avait plus raison que lui dans plusieurs situations. Pourquoi? Il dit parce que le degré du siddiq, il est au-dessus du degré du muhaddath. Le degré du siddiq, c'est-à-dire le degré de celui qui reconnaît, qui accepte la vérité et qui est véridique et qui accepte la vérité, il est plus élevé que le degré du muhaddath, celui qui est inspiré. Pourquoi? Parce que le siddiq, tout ce qu'il prend, c'est ce qui vient du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui est infaillible. Et donc il prend tout ce qu'il dit ou tout ce qu'il fait uniquement du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est basé sur l'exemple du messager infaillible, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que le muhaddath, l'inspiré, lui, il prend des choses de son cœur. Et son cœur, il n'est pas infaillible. Alors il a besoin de ramener tout ce qui vient de son cœur à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ramené pour vérifier si c'est en accord ou non. Et Cheikh Al-Fawzan, il commente sur ce point-là en disant, فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر محدث أبو بكر صديق وعمر محدث. Il dit, والصديق أفضل من المحدث يتضح هذا من مواقف أبي بكر رضي الله عنه في هذه الشدائد العظيمة التي تتهاوى لها الجبال الرواسي Il dit Abou Bakr c'est un siddiq, tandis que Omar est un muhaddath. Abou Bakr est un siddiq, il est véridique et il accepte toute la vérité. Et Omar est un muhaddath, c'est-à-dire Allah lui inspire des choses, hein. Il a des intuitions positives, qui sont positives, qui sont bonnes, que Allah lui inspire dans son cœur, lui met dans son cœur des choses qui lui indiquent la vérité, hein. Malgré ça, le siddiq il est meilleur. Le siddiq il est meilleur que le muhaddath. Et on voit ça clairement dans les exemples des situations qui sont arrivées, des positions difficiles que Abu Bakr radiallahu anhu a prises et qu'il est resté ferme dans ces situations-là, malgré que c'est des situations tellement dures que même les grandes montagnes s'écroulent devant elles, hein. Et il dit وَهَذَا الْفَرْقُ بَيْنَ الصِّدِّيقِ وَالْمُحَدَّثِ لِأَنَّ الصِّدِّيقِ لَا يَأْتِ بِشَيْءٍ مِنْ عِنْدِهِ أَبَدًا وَإِنَّمَا يَتَلَقَّى عَنِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم كل ما يقوله وأما المحدث فقد يأخذ شيئا مما يحدث به في نفسه وهذا قد لا يكون صوابا قد يكون خطأ. Donc c'est ça, le muhaddath et le siddiq, ils ont des degrés différents. Le siddiq, parce qu'il prend uniquement de tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, il ne le prend que de ce que vient que ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, il le prend seulement, il prend de rien d'autre que ça. Tandis que le muhaddath, peut-être que parfois il va prendre des choses que son âme lui suggère, ou bien des opinions qu'il a, qu'il pense être inspiré et qu'il prend comme étant une opinion correcte alors qu'il a tort. Ça peut arriver qu'il se trompe, et on voit que c'est ce qui est arrivé. Il a dit laysa bi ma'soum qad yukhti al-insan idha i'tamada ala ghayr al-kitab wa sunnah qad yukhti. Donc il dit l'être humain peut se tromper s'il se base sur autre que sur le Coran et la Sunna, il peut faire une erreur. Et il dit walihadha kana Omar, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit walihadha kana Omar radiyallahu anhu yushawiru as-sahaba radiyallahu anhu wa yunadhiruhum wa yarji'u ilayhim fi ba'd al-umur. Il dit c'est pour cette raison que Omar radiyallahu anhu, quand il était khalifa, il retournait aux sahaba, aux autres sahaba, il les réunissait tous pour leur demander leur opinion avant de prendre une décision, et il échangeait avec eux et il débattait avec eux, et il revenait vers eux dans certaines choses, hein. Donc c'est la preuve que yani il voulait confirmer des choses avec eux. Et il dit wa ma'a ma a'tahu Allah min al-ilham wal-idrak وما كان يعتمد على رأيه إنما يشاور الصحابة فيما يعرض من الأمور. Pourquoi le cheikh il mentionne ça? Pourquoi Ibn Taymiyyah il mentionne ces exemples-là? Parce qu'il y a beaucoup de soufis qui prétendent qu'ils sont muhaddath. Il y a beaucoup de soufis parmi les shuyukh soi-disant qui prétendent qu'ils sont inspirés par Allah ou qu'ils reçoivent des informations ou des inspirations par kashf, hein, mukashafat, dans leurs rêves. Ils prétendent qu'on leur révèle des choses dans leurs rêves ou des choses de ce genre. Et les gens pensent que parce que ils sont inspirés comme ça et parce qu'ils voient des choses dans leurs rêves ou des choses comme ça, ça veut dire que tu dois prendre tout ce qu'ils disent. Même Omar radiallahu anhu, il était muhaddath, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné de ça à son sujet. Tandis que ceux qui le disent aujourd'hui, qui prétendent parmi les soufis qu'ils sont eux muhaddath, on n'a pas la confirmation du messager sallallahu alayhi wa sallam que ce sont vraiment des muhaddath. C'est peut-être juste eux qui le prétendent, hein. Mais malgré ça, même Omar ibn Khattab qui était muhaddath et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné de ça à son sujet, même lui il s'est trompé dans plusieurs fois, dans plusieurs choses. Et il demandait conseil aux autres sahaba quand il avait besoin de prendre une décision. Il se référait pas uniquement à ses inspirations ou à ses intuitions. Non. Il retournait aux autres sahaba pour leur demander un conseil. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là aujourd'hui qui se disent soi-disant inspirés ou qu'ils ont des kashf ou des karamates, eh bien, ils ont encore plus besoin de demander un conseil et de se référer aux références du Coran et de la Sunna et de retourner aux preuves et de vérifier leur position pour être sûr qu'ils ne se trompent pas que les gens comme les grands sahaba comme Omar qui fait partie des grands awliya d'Allah. Donc c'est une réfutation en fait, c'est une réfutation de leurs idéaux. Et donc le Cheikh Al-Fawzan il dit وما ما أعطاه الله من الإلهام والإدراك وما كان ما كان يعتمد على رأيه وإنما يشاور الصحابة فيما يعرض له يعرض له من الأمور ويجمعهم ويجمع المهاجرين والأنصار ويعرض عليهم أو يعرض عليهم المشكلة ويأخذ آراءهم في هذا. ما قال أنا الخليفة أنا محدث ملهم وشهد لي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا وافقت القرآن في أشياء لم يغتر بهذه الأمور بل كان يراجع. Donc on voit l'exemple. Le cheikh il dit, malgré tout ce que Allah lui a donné à Omar ibn Khattab comme inspiration, comme compréhension, mais il ne se basait pas uniquement sur son opinion, malgré ça. Il dit, il consultait les sahaba, il appliquait le principe de la shura avec les autres sahaba. وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ. Il jugeait dans certaines questions, quand il n'était pas certain de quelque chose, il réunissait les sahaba et il demandait leur conseil. Il réunissait les muhajirines et les ansar pour leur demander la question, pour leur présenter le problème. Il y a une situation qui se présente, quelque chose, il ne sait pas quoi faire exactement. Il réunit les muhajirines et les ansar et il leur pose la question. Voici ce qui arrive. Une nouvelle situation se présente. Je voudrais votre opinion. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, ils donnent leur position, ils donnent leur opinion. Et Omar, il regarde qu'est-ce que les autres disent et il prend leur point de vue. Le cheikh, il dit, il aurait pu dire, c'est moi le khalifa. Et je suis inspiré. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a témoigné à mon sujet que je suis inspiré. Et j'ai été en accord avec le Coran dans plusieurs choses. Mais il ne s'est pas laissé tromper par ça. Malgré ça, il ne s'est pas laissé tromper par ça pour dire que non, je ne veux pas me demander à personne. Malgré ça, il retournait aux sahaba, il leur demandait leur opinion. Donc le cheikh, il dit, cheikh Ibn Taymiyyah, il continue, il dit, وَيُنَازِعُونَهُ فِي أَشْيَاء فَيَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ وَيَحْتَجُّونَ عَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَيُقَرِّرُهُمْ عَلَى مُنَازَعَتِهِ وَلَا يَقُولُ لَهُمْ أَنَا مُحَدَّثٌ مِثْلُ مُلْهَمٌ مُخَاطَبٌ فينبغي لكم أن تقبلوا مني ولا تعارضوني. Le cheikh il dit, il disputait certaines de ses opinions et il ramenait des arguments contre eux et eux ramenaient des arguments contre lui dans le Coran et du Coran et de la Sunna pour montrer qu'il a pas raison. Il dit, ويقررهم على منازعته. Quand ils n'étaient pas d'accord avec lui sur quelque chose, il approuvait leur désaccord. C'est-à-dire, il acceptait le fait qu'il lui dispute son point de vue. En voulant dire, si vous voyez que j'ai pas raison, eh bien, montrez-moi que j'ai tort. Amenez-moi les preuves. Clarifiez-moi mon erreur. Il demandait ça. Il leur a pas dit, je suis inspiré. Vous devez accepter tout ce qui vient de moi, vous ne devez pas vous objecter à moi et à ce que je dis. Non, il n'a jamais dit ça. Ça c'est la preuve que le wali d'Allah, peu importe son degré, son niveau de piété, son niveau de science, il ne peut pas dire aux gens, vous devez tout prendre ce que je vous dis et rejeter quoi que ce soit de ce que je, rien rejeter de ce que je vous dis. Il ne peut pas dire ça. Donc ça, c'est une leçon et une réfutation en même temps pour ceux qui, aujourd'hui, parmi les shuyukh soufis ou les gens de ces turuq, qui disent non, il faut tout prendre de qu'est-ce que le shaykh il dise. Hein? Et comme on avait mentionné justement, les shuyukh des turuq, quand ils acceptent un mourid, le mourid c'est qui? Le mourid c'est celui qui, il rentre dans la tariqa, il donne bay'a à un shaykh. Hein? C'est pas le mourid au Sénégal qui s'appelle la tariqa mouridiyya. Ça c'est le nom de la tariqa, ils l'ont appelé mouridiyya. Mais dans toutes les turuq, il y a des mourides. Le mot mourid là, c'est le terme qui est employé pour désigner celui qui veut rentrer dans la tariqa. Hein? Arada yuridu, c'est le terme qui vient de l'irada. Hein? Al-mourid, celui qui veut suivre le cheikh, rentrer dans la tariqa. Oui. Donc il donne l'allégeance au cheikh. Et il dit, je me soumets entièrement à ce cheikh dans tout ce qu'il me demande, dans sa volonté. Et je m'objecte à rien de ce qu'il dit, comme un mort face à celui qui lave le corps du mort. Et ça, c'est clair que c'est interdit dans l'islam. Il n'y a personne parmi les musulmans qui a le droit de se soumettre à un être humain de cette façon-là, excepté le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est seulement le messager d'Allah qui est infaillible. Tous les autres, parmi les ulama et les imams, et même les sahaba, hein, ils peuvent se tromper, ils ne sont pas infaillibles. Et même on le voit ici avec l'exemple de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Hein? Et même Allah, il nous ordonne dans le Coran d'obéir à nos dirigeants. Mais il a mentionné, hein, que s'ils ordonnent un péché, on n'a pas le droit de leur obéir dans le péché. Hein? La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyat al-khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance du Créateur. Donc si le cheikh ou l'imam ou peu importe, il se trompe, on n'a pas le droit de l'obéir ou de le suivre dans l'erreur. Cheikh Al-Fawzan, il commente sur ce point qu'on a lu de Cheikh Al-Fawzan, de Cheikh Ibn Taymiyyah. Il dit, ma yaqulu hadha. Hein? ما يقول هذا يعني يشاورهم ويعني يستعرض آراءهم يعني تورد على الكتاب والسنة فيأخذ ما وافق الكتاب والسنة سواء كان رأيه أو رأي غيره. Il dit le cheikh que il consulte ses compagnons, il prend leurs opinions, hein. Il ramène les positions qu'il donne au Coran et à la Sunna. Ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna, il le prend. Ce qui est en contradiction, il le rejette. Hein? Peu importe que ce soit son opinion ou l'opinion de quelqu'un d'autre, c'est la même chose. Hein? Il dit, أي ولي الله يرى أنه لا يراجع ولا أحد يعترض عليه. هذا مخطئ. الولي لله هو الذي يهتم. يتهم نفسه يتهم رأيه يرجع إلى الكتاب والسنة يسلم لله يسلم لله ولرسوله ولا يأخذ برأيه هذا هو ولي الله عز وجل وهذا هو عمر رضي الله عنه. Donc le cheikh il dit, le wali d'Allah, le serviteur qui est un wali d'Allah, qui est un rapproché d'Allah, un serviteur obéissant et rapproché qui a la taqwa et l'iman, il ne doit pas penser qu'on ne peut pas remettre en question quoi que ce soit de ce qu'il dit et que personne ne peut s'objecter à ce qu'il dit. Hein? Il dit ça, c'est une erreur. Le wali d'Allah, au contraire, il s'accuse toujours lui-même. Il remet toujours en question son propre opinion. Il revient, il ramène tout ce qu'il dit, il essaie de le comparer ou de l'analyser selon le Coran et la Sunna pour voir est-ce que c'est correct, c'est ce que je dis ou non. Hein? Et il se soumet à Allah et à son messager, il ne prend pas juste son opinion à lui. Hein? Si son opinion contredit, il le rejette. Donc ça c'est le vrai wali d'Allah, il est comme ça. Le vrai serviteur d'Allah, il est comme ça. Et c'est ainsi qu'était Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Hein? Il n'était pas celui qui dit non, moi Allah il m'a inspiré de la vérité, personne ne peut remettre en question quoi que ce soit de ce que je dis, obéissez-moi aveuglément. Non, jamais, malgré qu'il était le khalifa de toute la Ummah, hein? après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a bien été éduqué par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est comme ça que les sahaba ont tous été éduqués, et c'est comme ça que les sahaba agissaient, parce que c'est ça la méthodologie des sahaba radiyallahu anhum. C'est ça la voie des salaf salih. La voie des salaf, c'est ça la voie des salaf. Hein? Le shaykh il dit: فَأَيُّ أَحَدٍ اِدَّعَ أَوْ اِدَّعَ لَهُ أَصْحَابُهُ أَنَّهُ وَلِيٌّ لِلَّهِ وَأَنَّهُ مُخَاطَبٌ فَيَجِبُ عَلَى أَتْبَاعِهِ أَنْ يَقْبَلُوا مِنْهُ كُلَّ مَا يَقُولُهُ وَلَا يُعَارِضُوهُ وَيُسَلِّمُوا لَهُ حَالَهُ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارٍ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَهُوَ وَهُمْ مُخْطِئُونَ وَمِثْلُ هَذَا مِنْ أَضَلِّ النَّاسِ. Regardez qu'est-ce qu'il dit le cheikh. Il dit: quiconque prétend, ou quiconque sait que ses compagnons prétendent de lui que c'est un wali. Donc, quiconque prétend être un wali, ou quiconque ses compagnons prétendent de lui que c'est un wali, ou qu'il est inspiré, et qu'il est obligatoire pour ses fidèles ou ceux qui le suivent, hein, d'accepter tout ce qu'il dit et de ne jamais s'objecter à lui, et qu'ils doivent se soumettre à son état sans tenir compte du Coran et de la Sunna, alors lui ainsi que ceux-là sont dans l'erreur. Et il dit, et ce genre de personne fait partie des gens les plus égarés. Hein? Le Cheikh Al-Fawzan, il dit par rapport à ce point-là, il dit: الذي يعتقد أن الولي معصوم وأنه يؤخذ عنه ولا يراجع الكتاب والسنة هذا من أضل الناس والعياذ بالله لأن الأنبياء معصومون. نعم. Bon, je vais juste terminer la traduction de ce point-là, puis après je vais t'expliquer. Il dit: وَهَذَا مِنْ أَضَلِّ النَّاسِ وَلَعِيَذُ بِاللَّهِ لِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مَعْصُومُونَ لَا يَتَطَرَّقُ الشَّكُّ إِلَيْهِمْ أَوْ الْخَطَأَ وَإِنَّمَا غَيْرُهُمْ عُرْضَةٌ لِلْخَطَأَ وَلَوْ كَانَ أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءَ كَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. Donc le cheikh dit: celui qui croit que le wali il est infaillible et qu'on doit prendre tout ce qu'il dit, et qu'on ne doit rien le reprendre, on ne doit pas le reprendre sur quoi que ce soit, hein, même si c'est dans le contraire au Coran et à la Sunna, qu'est-ce qu'il dit? Alors ça, c'est parmi les gens les plus égarés, hein, qu'Allah nous préserve. Et il dit le cheikh que toute personne en dehors des prophètes, il n'est pas infaillible. C'est-à-dire c'est seulement les prophètes qui sont infaillibles, et qu'on n'a pas de doute à propos de ce qu'ils disent, que c'est la vérité, et qu'il n'y a pas d'erreur dans ce qu'ils disent, parce que ce sont les messagers d'Allah, des prophètes. Mais quiconque en dehors des prophètes, il est susceptible de se tromper, de faire une erreur, même si c'était le meilleur des hommes après les prophètes, comme Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma. Et par rapport à ta question, par rapport au muhaddaf, qu'est-ce que c'est? Il y en a celui qui est inspiré, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne... il le guide dans ses positions et dans ses opinions, de façon à ce que il fasse les bons choix, hein, et qu'il prenne la bonne opinion. Il c'est comme s'il a des bonnes intuitions, ok? Il a des bonnes intuitions, puis il est inspiré positivement dans le bien, dans des choses. Comme par exemple. C'est-à-dire que s'il va pas, par exemple, quelqu'un, on va dire quelqu'un, il n'a pas lu qu'est-ce que tel... Par exemple, à propos d'une question dans la religion, par rapport à quelque chose dans la... Il n'a pas lu le Coran, il n'a pas lu les hadiths sur ça, puis il n'a pas lu qu'est-ce que les ulamas ont dit sur un sujet, mais de lui-même, il dit: ah ça là, je pense que ça, c'est pas correct. Hein? Tu vois? Puis après, quand il va aller vérifier dans le Coran et dans la Sunna ou bien dans la parole des ulama, il voit qu'effectivement, il avait raison. C'est contraire à l'islam. Donc, c'est-à-dire qu'il a eu ce sentiment-là en lui-même déjà. Et il a été inspiré de comprendre que ça, c'était pas bon. C'est ça. Ça, c'est, donc, on peut dire, c'est-à-dire, Omar ibn al-Khattab, il était comme ça. D'accord? C'est ça, on les a lus, ces hadiths-là, Ibn Taymiyyah les a cités. Il a dit, dans les nations avant vous, il y avait des gens qui étaient inspirés comme ça. Et il dit, s'il devait en avoir un dans cette umma, alors après moi, c'est Omar, radiallahu anhu. Non, mais c'est ça, il y a des ulama qui ont mentionné ça justement. C'est ça. Le hadith, Inna Allah daraba al-haq ala lisani Omar wa qalbihi. ولو كان نبي بعدي لكان عمر c'est ça. S'il devait y avoir un prophète après moi, ce serait Omar. Tu vois? Et l'autre hadith avant, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم. Il dit, il y avait dans les nations avant vous des gens comme ça inspirés, محدثون. Il dit, s'il devrait y en avoir dans ma umma, alors Omar serait un d'entre eux. Oui, Omar serait un d'entre eux. Donc le cheikh, il explique ça, par rapport à ça. Et c'est pour dire que même quelqu'un qui est dans cette situation-là, même lui peut se tromper. Exactement. Tu vois? Non. Ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je pense même que la vision pieuse, c'est un degré parmi les degrés de la prophétie. Ouais. Mais bon, il y en a qui ont ce genre de choses-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se tromper. Tu comprends? Alors c'est pour ça que le cheikh, il est en train de mentionner ces arguments-là, en fait, pour détruire les fondements de l'égarement de ces gens-là. C'est-à-dire tout ce sur quoi ils peuvent essayer de se baser, et sur tout ce après quoi ils peuvent essayer de s'accrocher pour essayer de justifier quoi que ce soit de leurs idées. C'est comme par exemple des fois comme si les gens qui racontent des histoires, qui mentent ou bien qui déforment la réalité, ils essaient de se baser sur une chose qui est vraie. Puis ils l'étirent pour essayer de se justifier pour des affaires qui ne sont même pas reliées à l'affaire. Oui, exactement. Donc ils prennent une petite information qui est vraie, puis ils l'étirent d'une façon pour dire, et puis ils jouent avec pour essayer de justifier plein d'autres choses qui sont clairement fausses. Donc c'est ça qui est dangereux. Exactement. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On va continuer au prochain cours, Inch'Allah, la suite de cette explication-là, Inch'Allah. C'est probablement ce cours-là, ce livre-là, ça va être mercredi. Ouais, mardi passé, je n'ai pas fait écouter dans Sirat al-Mustaqim, le mardi dernier, parce que je me suis mélangé en fait. Avec Al-Furqan. Donc au lieu de faire Al-Iqtida, Sirat al-Mustaqim, j'ai fait Al-Furqan. Mais bon, la prochaine fois, je ferai... Le prochain cours, mardi prochain, ça va être Iqtida, Sirat al-Mustaqim. Et mercredi, on va reprendre Al-Furqan. Là, maintenant, on va faire Tafsir. On va faire peut-être 30 minutes, Inch'Allah. Donc, سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.